Faire du lit, 5-7, yeah. Moment de tristesse. Il se passe rien qu'une fois, on se prenait toujours la tête. Maintenant c'est fini, j'ai plein de regrets. Rien qu'une fois j'aurais voulu que tu m'écoutes. Car j'ai vraiment beaucoup de choses à te faire partager. J'ai compris qu'être célibataire m'avait le plus me manger pour moi. Je dois réagir et faire face maintenant. Je pouvais te donner plein d'amour. Et c'est parce que j'avais beaucoup trop de fierté que je n'assumais mes conneries en fait. J'ai perdu tout en te rejetant. J'étais trop égoïste et ça je le sais. Car ce n'était pas mon style. Mais maintenant je te dis, j'ai perdu toute ma moitié. Mon cœur s'est déchiré en deux. Il ne se passe pas un jour depuis notre séparation. Je ne pense qu'à toi, tu sais. L'avenir est un an passé. Je me disais qu'il n'y en avait plus qu'un enjeu pour nous deux. Je pouvais brailler, râler pour un rien. C'est idiot de ma part. Je le reconnais car après avoir déprimé, car après tout ces mois passés avec toi, je peux te dire que je suis fier d'avoir enfin des sentiments pour une fille à qui j'ai aimé, que j'aime tout fort. Je sais que la vie n'a pas de prix. Maintenant je peux tout offrir, je peux tout recommencer. Je suis prêt à faire tout pour m'en sortir et faire penser à Lola. Tu sais, notre chat, notre bébé, c'était le fruit de notre amour. Quand j'écoute une chanson triste, ça me rappelle que j'ai perdu la chance rêvée de connaître le bonheur. Je sais qu'il est trop tard pour qu'on puisse s'aimer comme avant. Mais au fond, j'étais tellement blessé que ça m'a touché énormément. À un tel point, je me demande si toi tu penses encore à moi. Je me demande que si je suis une bouteille à la mer et attendre un secours. Car mon cœur, mon âme a fait n'importe quoi. Ce décrochage faisait de moi un esclave de ton amour. Car maintenant, notre amour n'existe que dans les mémoires. Même la jalousie m'avait fait perdre la tête. Écoute ton choix, je le respecte. En même temps, ça me fait mal. Je te comprends comment j'ai pu changer un tel comportement. Excuse-moi pour tout le mal que j'ai pu faire. Encore une fois, excuse-moi de t'avoir empoisonné ta vie. Je sais que c'est infardonnable pour un faux, on est des humains. Je suis échoué sur une île déserte avec seulement de la tristesse à mes yeux. Et Lola qui fait sourire en pensant au souvenir de toi et elle. Je me sens comme un caillou au fond de l'eau et seul. L'erreur est humaine et seule. Un miracle peut me sortir de tout ça. Et j'ai de la volonté à faire n'importe quoi pour un meilleur avenir. Pour moi, je sais que chaque jour compte en espérant de meilleures choses. Je me souviens, après les prises de tête, claque la porte, puis partez pour un rien. Mais maintenant j'attends que Dieu me tende la main. Où j'ai plus d'espoir d'y croire, à un nouvel amour, à une nouvelle histoire. J'ai quand même plein de regrets de perdre deux amours. Là où je suis longuement tombé, là où j'ai longuement échoué. J'aurais pu réussir, j'espère pour l'honneur de Lola. Réussir à te reconstruire avec ou sans toi, tant pis. Car la vie est dure et sans table, je ne peux m'en sortir. C'est pas en râlant, en braillant pour un rien que j'arriverai à faire quelque chose de mes mains. Ni en buvant de l'alcool et en fumant des joints que je m'en sentirai libéré. Je vous demande pardon à toi et Lola, elle qui m'écoute au ciel, un ange dans le ciel, pour réussir là où j'ai échoué peut-être un jour, tout seul ou à deux, en tout cas je l'espère, car je me sens comme une bouteille à la mer, échouée sur une île déserte avec de la tristesse dans mon cœur. Je suis en solo, comme un caillou au fond de l'eau, sur une île déserte avec de la tristesse. Je suis en solo comme une bouteille à la mer, comme un caillou au fond de l'eau avec que de la tristesse, lady. Julie, qui a plein de regrets d'avoir perdu deux amours. Pour toi et Lola, parole du cœur, car l'amour ne s'éteint pas comme ça.